Chapitre 6e. Quel était le projet du comte Alberto? C'est ce que lui seul devait savoir jusqu'au dernier moment. Ce projet avait quelque chose de terrible et d'impitoyable, car le Seigneur hésita plus d'une fois à l'exécuter. Mais il trouva bientôt de quoi raffermir sa vengeance dans l'opiniâtreté de son rival à lui disputer la Gioconda. En effet, loin de se rebuter d'un premier échec, loin de s'effrayer de la supériorité de son adversaire, Paganini prit au mot les ironiques encouragements de son hôte et passa la moitié des jours auprès de la Donna Monti. La constance de son amour en sauva-t-elle la singularité et l'enthousiasme de la dilettante passa-t-il de sa tête à son cœur? Chez une femme comme la Gioconda, tout caprice était vraisemblable. Le seigneur Alberto eut donc plus d'un sujet de crainte, et la perte de son ennemi fut résolue. Cependant, le maestro poussa vaillamment sa pointe et se vit de jour en jour mieux accueilli. Une seule inquiétude lui revenait au travers de ses espérances. La signora ne cessait de lui redemander de l'entendre, il se répétait en frémissant, « si elle n'aimait que mon violon ». Ce doute lui donna le courage d'éluder la prière de la Donna Monti. Il prétexta le soupçon, conçu par lui dès le premier jour, que le salon de la jeune femme eut des oreilles. Et le fait est qu'il n'était point tranquille à cet égard, bien qu'il n'eût rien appris de l'indiscrétion du comte. Néanmoins, comme il demandait trop pour tout refuser, l'espoir d'obtenir la récompense de son sacrifice lui dicta un soir cet ultimatum. « Ce n'est point de vous que je me défie, madame, » dit-il à la Gioconda, « c'est de vos gens et de vos amis. Trouvez un moyen de m'entendre sans que j'aie à les craindre. » Loin d'eux, par exemple, ailleurs qu'en votre hôtel, et je suis prêt à vous donner encore une année de ma vie. Cette année dut-elle être la dernière. » Attendrie par un tel dévouement, la Gioconda serra la main du virtuose, et la proposition de celui-ci n'étant que la demande d'un rendez-vous, il sortit convaincu qu'on l'avait compris et qu'il allait en recevoir la preuve. À peine rentrait-il en effet qu'on lui remit une lettre ainsi conçue. « J'ai trouvé le moyen de vous entendre. À 2 heures après minuit, quand tout dormira dans la ville, sur la place et dans mon hôtel, j'irai m'asseoir au balcon de ma terrasse. Venez avec votre violon, comme l'Espagnol avec sa guitare. Le ciel seul partagera ma sérénade et il la prendra pour la voix de ses anges. Je vous envoie une clé de mon hôtel. Vous monterez chercher mes remerciements. » La lecture de ce billet arracha un cri de joie au maestro. Il le couvrit de 1000 baisers, il pressa la clé sur son cœur, et il répondit par ces mots, 2 heures après minuit. Un seul mouvement d'avarice ou de terreur arrêta sa main au moment d'envoyer sa lettre, mais il se reprocha ce mouvement comme un crime, et il s'abîma dans d'ineffables méditations. Il se sentait revenir au plus beau jour de sa jeunesse et de sa gloire, lorsque le comte entra dans sa chambre. Cette brusque apparition glaça d'abord Paganini, mais les paroles de son hôte comblèrent sa sécurité. Mandé par le grand-duc dont il tenait l'ordre à la main, le seigneur Alberto Nota quittait Bassano jusqu'à la fin de la semaine. Ainsi, le champ de bataille appartenait au maestro, et la Gioconda sans doute profitait de l'absence du comte. Le seigneur laissa son hôtel et ses gens à la disposition de l'artiste. Il serra la main de son rival avec son insouciance ordinaire. Il partit après l'avoir défié plus galamment que jamais. « Pour vos comptes, » se dit le virtuose en voyant la voiture de son hôte s'éloigner au galop. Puis il se reprocha de violer les droits de l'hospitalité et fut tenté de déménager avant l'heure du rendez-vous. Mais son avarice lui rappela qu'il avait reçu carte blanche et il se replongea sans remords dans ses douces rêveries.